Aïe, abat et tripes dans une formule gargantuesque. Le renard et la chouette, café et buvette, c'est une cuisine contemporaine suivant les saisons. Petits et gros plats à partager axés sur les légumes et les poissons. Deux lieux, même convivialité. Le Pied Bleu et le renard et la chouette, 179 et 125 rue Saint-Vallier-Ouest. 88 914 35 54. Menu sur piedbleu.com. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Offrez-vous le bien-être et la santé. Débranchez-vous du quotidien grâce au studio de yoga Namasté Limoilou. Namasté s'adapte à vous, à vos horaires, à vos besoins. Restez zen avec des horaires flexibles et des cours à la carte. Diversité de cours garantis. Hatha yoga, yoga aérien, power yoga. Nouveauté en 2016, entraînement TRX et yoga maman-bébé. Namasté. Yoga, passion et communauté. yoganamasté.ca. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'aérospatiale, à cette édition spéciale du temps des fêtes de l'aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Comme toujours, Audrey Caro à la barre de cette émission, mais aujourd'hui, je suis entourée de ma talentueuse équipe qui est ici, cette joyeuse bande de chroniqueuses, parce que le chroniqueur n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, il manque, mais à vrai dire, on est plusieurs jeunes dames en studio pour fêter le temps des fêtes, célébrer cette dernière émission de l'année. Et on avait envie de faire quelque chose de le fun avec vous, d'être tout le monde en studio pour un peu parler de nos coups de cœur, notamment en première partie d'émission. C'est ça qu'on va faire, parler de nos coups de cœur de l'année 2015 en arts visuels, principalement à Québec. Mais aussi, on voulait vous donner des suggestions, de cadeaux, si vous êtes un peu du type retardataire. Eh bien, on a de belles suggestions cadeaux pour vous et aussi des activités à faire durant le temps des fêtes, notamment en famille. Quand la famille débarque, des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Ben, on va avoir plein de suggestions pour vous. Aussi, comme j'aime bien le dire, des activités entre deux tourtières pendant le temps des fêtes. Alors, j'accueille en studio en premier lieu Sophie Lessard-Latendresse. Bonjour, Audrey. Allô. Il y a Marie-Claire aussi Tremblay. Oui, bonjour. On va voir Louane Bourdeau. Bonsoir. Et aussi Annie Charland Thibodeau. Bonsoir. Alors voilà, donc c'est vous qui avez l'honneur de nous parler en premier lieu de vos coups de cœur de cette année. On s'était dit que ça pouvait être soit une exposition, un artiste que vous ayez découvert, un événement aussi qui vous a marqué. Bref, ça pouvait être un peu n'importe quoi tant que ça touchait aux arts visuels. On va commencer avec toi, Sophie. Qu'est-ce qui a marqué ton année 2015? Pour moi, c'était en fait la découverte d'une artiste, donc Georgia Volpe, que j'ai découvert lors de la Foire d'art actuelle en octobre dernier. Une artiste, donc, qui m'a beaucoup impressionnée par sa sensibilité. Donc, lors, en fait, de la Foire d'art actuelle, elle avait présenté deux de ses œuvres, donc Hydre 1 et Hydre 2, qui étaient, en fait, de l'encre sur canson. Donc, c'était des œuvres vraiment en noir et blanc. Puis, c'est vraiment, en fait, la sensibilité de son trait qui m'avait beaucoup attirée, là. C'était des formes organiques qui étaient suggérées, mais elle les suggérait par l'épaisseur de son trait. Donc, c'était vraiment quelque chose de très sensible qui m'a forcé en fait à aller chercher un petit peu, en fait à pousser ma réflexion sur cet artiste-là. J'ai découvert en fait une artiste qui avait une pratique en fait polymorphe, donc elle faisait beaucoup de photos, des installations aussi, du dessin, de la vidéo, puis elle utilisait aussi beaucoup des techniques artisanales traditionnelles, fait qu'on peut penser à la broderie, au tressage ou au tricot. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant, vraiment de mélanger ces différents médiums-là. Puis Georgia Volpe, en fait, qui va vraiment chercher d'étudier l'environnement puis le rapport, en fait, qu'on peut avoir avec celui-ci en explorant les lieux de passage, donc par exemple le public et l'intime. Puis on avait encore aussi l'individuel et le collectif. Fait que c'était l'artiste qui m'avait marqué. Oui, ben Georgia aussi, je me rappelle l'avoir vue au musée en 2008, dans cette arrivée près de chez vous. Elle avait tissé un genre de grand tapis et un canot à partir de pancartes électorales. Donc, c'est toujours assez surprenant ce qu'elle nous réserve. Mais ça, c'est une pratique qui est qu'on connaît très peu encore, là, qu'elle garde un peu pour soi, qu'elle me disait. Oui, ben elle avait aussi, elle a fait l'échange Québec-Bangkok cet automne. Puis on l'avait vu aussi lors de la Manificis à Québec en 2014. Mm-hmm. Fait qu'une artiste aussi qu'on avait un petit peu l'habitude de voir quand même sur le terrain là, à Québec. Mais c'était toujours plaisir de redécouvrir là, également. Oui. Exact. Merci beaucoup, Sophie. Sinon, Marie-Claire, toi, qu'est-ce qui t'a accroché cette année? Moi, c'est un coup de cœur, expérience. Expérience que j'ai vécue en allant voir l'installation « Et automne » qui était présentée au Musée national des beaux-arts du Québec dans le cadre du mois multi. Donc, c'est une installation qui a été créée par David Letellier et Herman Kogan. Et en gros, c'est une installation en fait qui mettait en scène le vent. Donc, il y avait, juste pour vous décrire un petit peu rapidement, il y avait comme quatre énormes formes, ça ressemblait à des porte-voix ou des cornes qui étaient disposées à l'extérieur et qui pivotaient un petit peu comme des girouettes, en plus d'émettre des sons curieux, aériens, graves, peut-être un peu, qui évoquaient justement le souffle du vent. Et dans cette œuvre-là, il y avait tout un système quand même complexe de captation et de retransmission des données météorologiques dans d'autres villes. Donc, en même temps, au même moment, il y avait une installation similaire à Montréal, à Rennes et Nantes, en France. Donc, on disait, justement, il décrivait le système comme étant une sonification des données météorologiques. Fait que vraiment, coup de cœur, j'ai, comme on dit, trippé en voyant cette œuvre-là. Il y avait quelque chose de très fort dans l'expérience. Oui, le son, mais il y avait quelque chose qui donnait la chance de poule. Est-ce que c'était ce son-là ou le froid, hein, parce que c'était une expérience qui vivait à l'extérieur. Donc, l'œuvre acquérait aussi un caractère singulier comme elle était présentée au Québec. Mais aussi, cette poésie-là, le vent, être concentré sur le vent, c'est rare qu'on fait ça, hein. Pourtant, le vent, c'est dans nos vies à chaque jour. Mais là, vraiment, on était concentré, et pas juste sur l'audition, mais aussi sur quelque chose de visuel. Le vent, c'est un phénomène intangible, et là, on le rendait visible par ces mouvements-là de l'œuvre et par ce son-là. Donc, vraiment, j'ai été vraiment fascinée par cette expérience-là vraiment envoûtante. Puis j'aimais aussi l'idée du collectif, tu sais, parce que justement, c'est un réseau, c'était présenté dans quatre villes simultanément. Donc, moi, je me disais, c'est drôle, on dirait qu'on emprunte le vent à une autre ville, en fait, puis qu'on vit cette expérience-là nous-mêmes. Puis en même temps, on sentait vraiment que les artistes essayaient de mettre en exergue le fait que, ben, on est un peu liés par un phénomène naturel. Je veux dire, tout le monde à travers la planète expérimente le vent, peut-être d'une manière différente, mais l'expérimente quand même. Puis, mon petit côté éditorial, peut-être par rapport à cette œuvre-là, c'est que, moi, je trouve ça pertinent quand même en 2015 de s'intéresser à un phénomène météorologique. Quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui, hein, on le vit, je pense, à chaque jour avec le réchauffement climatique. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut influencer les artistes, qui est très, qui peut être très inspirant. Il faut prendre conscience aussi, je pense, de ces changements-là, puis agir collectivement. Voilà ma période éditoriale, en plus. Mais c'est ça, vraiment, c'était extraordinaire comme expérience. Oui, puis ce qui est dommage, c'est que ça a duré que deux semaines, je pense. Ouais, ça a été très, très court, la présentation pendant carte du mois multi. En tout cas, moi, j'étais déçue puis je l'avais manqué. Mais non, effectivement, ça c'était inspirant de voir ces grosses choses-là, oui. justement, de, oui. tout près du musée. On peut revoir sur Internet un petit peu. Il y a quand même des leçons un peu. Ça se ressemble, mais tu sais, l'expérience n'est pas pareille. Non, c'est sûr. Mais quand même, on peut revivre peut-être oui. une parcelle de cette expérience qui t'a marquée. Eh bien, toi, Annie, de ton côté. Oui, moi, c'était mon coup de cœur de l'année. C'est Joseph Kieffer. Avec l'exposition Circule Jubile qui était présentée à l'Œil de Poisson en janvier dernier. Pour moi, c'était un coup de cœur, oui, tant pour l'exposition, mais c'était aussi une découverte. Je connaissais pas du tout le travail de Joseph Kieffer. Pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, juste pour mettre en contexte, c'est un jeune artiste strasbourgeois qui est venu s'établir au Québec pour 3 mois, donc le temps de faire une résidence de création dans les ateliers de l'Œil de Poisson. Puis l'exposition, ben, c'était le résultat des recherches de ce qu'il a établi en atelier. C'est un artiste qui travaille dans le geste puis dans l'action, qui aime beaucoup construire des objets très évocatifs. Donc, les pièces sont tantôt drôles, tantôt touchantes, oui. mais ça nous soulève toujours un petit questionnement sur notre place puis notre rôle dans notre environnement. Puis, en fait, lui, à son arrivée à Québec, ce qui l'a le plus marqué de notre ville, c'est la très grande place que prennent les voitures chez nous. Mm-hmm. Donc, ses propositions, en fait, jouent vraiment avec des symboles puis des éléments qui sont liés à ce mode de transport-là. Et ben comme c'est un artiste qui produit beaucoup, la résidence a été vraiment très importante pour lui, très prolifique effectivement. Donc on avait des dessins, des objets, des installations, un paquet de choses dont je pourrais parler longtemps. Mais on a Peut-être souligner la présence de ce superbe mobile là. Oui, ben aussi. Exactement. C'est moi c'était ma portion vraiment préférée en fait de la salle d'exposition. C'était un grand mobile souple qui était ponctué d'articulations. Mais de petits morceaux aussi de réflecteurs de signalisation, de comme réflecteurs on peut de voitures. Hein, sur aussi les vélos. Les vélos, exactement. Temps, là, ouais. Oui, même chose. Puis, en fait, en galerie, nous, on pouvait y toucher, on pouvait le faire bouger. Puis, le mouvement fluide, ça réfléchissait des petites parcelles de lumière dans l'espace. Mais ça faisait aussi des différentes masses organisées selon l'entrelacement des réflecteurs. Puis, ce mobile-là, ce qui est intéressant, c'est que ça a servi aussi lors du vernissage pour une magnifique performance de sa partenaire. Donc, c'était une exposition assez complète pour ma part. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de le côtoyer, oui. travaillant à l'Œil de Poisson, puis oui. vraiment, on a senti que ça a été un peu un catalyseur pour lui d'être ici. Puis je pense vraiment. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont découvert sa pratique, puis une pratique qui est très, très intéressante et, comme tu le dis, très multiforme, qui oui. prend toutes sortes d'allées, mais qui tourne beaucoup autour de l'objet, de la sculpture. Oui, puis il était très présent aussi en galerie. Moi, je me suis présentée aussi à un autre moment là, pendant l'exposition, qui était encore là en train de fignoler des petits détails sur le mobile. Donc, non, c'était une très, très belle découverte. Super. Et pour terminer ce premier segment, Louane, de ton côté? Ben moi, en fait, ça a été un coup de cœur redécouverte, si on peut dire. OK. En fait, c'est l'exposition Fernand Leduc, Microchromie, qui a eu lieu du 22 février au 15 mars à la Galerie Michel Guimond. Donc, Fernand Leduc, on le connaît bien déjà. Il y a une salle qui est monographique dédiée à ce peintre-là au Emmenbach. Oui. Mais ce qu'on voyait chez Guimond, en fait, c'était des pastels gras. Donc, qu'on ne retrouvait pas déjà dans les salles. Il y a quelques photos qui existent, mais le fait de le vivre, donc d'être vraiment en présence des œuvres, j'ai vraiment compris ce que les descriptions, donc vraiment la lumière qui était présente, les c'est couleurs. Ça. Donc, c'était vraiment un rapport qui était complètement différent à ces œuvres-là. Donc, il y avait 3 séries de pastels gras, à peu près 12 de pièces, je dirais. Donc, il y en avait 2 qui ont été réalisées après des voyages au Mexique et une autre série après des résidences à Carrare, en Italie. Donc, vraiment des types de lumière complètement différentes, des couleurs complètement différentes. Donc, ça a été vraiment... je dirais vraiment une redécouverte là, mm-hmm. de l'artiste. Donc, le travail à la peinture ou au pastel, c'est complètement 2 choses différentes. Donc là, il n'y avait pas nécessairement des formes, c'était vraiment des superpositions de couleurs qui donnaient une grande profondeur aux pièces. C'est vraiment des pièces qui sont très méditatives. Ça demande un certain temps d'arrêt pour vraiment les comprendre, les sentir. Donc, et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ben l'espace de la galerie, c'est pas si grand que ça, mais comme les pièces étaient quand même assez petites, il y avait assez d'espace pour que chacune des pièces puisse être vraiment respirer, là, si on veut. Donc, vraiment qu'on puisse les considérer autonomes, mais aussi qu'on puisse les comparer entre séries, comprendre comment est-ce que l'esprit de Fernand Leduc s'évoquait, disons, dans plusieurs pièces. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était une superbe expo qui m'a permis de revoir Fernand Leduc sous un jour différent. Oui, puis comme tu le soulignais, Fernand Leduc, c'est vraiment en présence de l'œuvre qu'on comprend le travail de cet artiste-là, oui. Et pas en photo. On est beaucoup dans l'image aujourd'hui, mais Leduc, ça nous remonte l'importance d'être devant l'œuvre pour l'apprécier dans toute sa splendeur. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Louane. Donc, nous, on va aller faire une brève pause audio, le temps d'amener de nouvelles collaboratrices nous parler de leur coup de cœur. Et pour l'occasion, j'avais demandé à Simon Roy s'il pouvait nous proposer une sélection musicale de circonstances. Il s'est forcé, hein, parce qu'il n'est pas nécessairement un fan de musique de Noël. Donc, il me dit, je vais essayer de te proposer quelque chose d'intéressant. Et cette fois-ci, il nous propose une musique de Noël aux sonorités électroniques qui rappelleront pour certains des sons un peu midi de jeux vidéo, notamment. Donc, on va aller écouter l'extrait « Have Yourself a Merry Funky Christmas » de DKSTR. Nous sommes de retour et maintenant je suis en compagnie de Andréanne Gagnon. Bonjour Audrey. Bonsoir. Fanny Hénon-Lévy. Salut Audrey. Allô. Et Andréanne Lesage. Allô. Donc, c'est à votre tour de vous exprimer. On va commencer par Andréanne Gagnon. On a quand même deux Andréanne sur le même panel. Donc, qu'est-ce qui a marqué ton année 2015? Oui, en fait, j'ai eu un coup de cœur assez unique, en fait, pour l'exposition de Charles Fleury à vue photo. Donc, oui. Une exposition qui s'est déroulée du 20 mars au 19 avril. Le titre, en fait, c'était « Apparition futuriste en aval des couches et du suprême ». Puis moi, en fait, ça a été vraiment un coup de cœur direct en entrant en salle chez Vue, en fait, parce que j'ai été vraiment surprise par cette proposition-là. Oui. Je trouvais que c'était une proposition assez audacieuse de la part du centre aussi, qui présente de super expositions, mais des expositions qui sont peut-être plus souvent classiques oui. que ce type de proposition-là. Parce qu'il n'y avait pas juste de la photo. Exactement. Donc, il n'y avait pas seulement de la photo, il y avait des images, mais il y avait aussi, en fait, la sculpture. Moi, je connaissais le travail de Charles Fleury, vraiment, tu sais, son travail installatif. J'avais eu l'occasion de le voir chez Regard. Donc, c'est vraiment des univers chaotiques. C'est vraiment l'abondance d'éléments. Là, on est vraiment dans une espèce de surconsommation d'éléments fabriqués à la main. Parfois douteux aussi, tu sais. Mm-hmm. C'est très voulu aussi. Puis, ce que j'aimais, en fait, c'était le côté... en fait, il vient carrément désacraliser l'image dans cette expo-là. Puis c'est ça que je trouvais assez chouette. Des images déchirées, des images, en fait, sur lesquelles il est venu intervenir avec de la matière, qu'il a refotographié, qu'il a cloué au mur, tu sais, au lieu d'installer minutieusement. Donc, je trouvais vraiment que c'était une proposition rafraîchissante. Oui. Puis, ben moi, en fait, ça a marqué comme mon imaginaire. Tu sais, vraiment, je m'en suis souvenue longtemps. Puis justement, on se demandait c'est quoi notre coup de cœur. Ben moi, c'est évident que c'était ça parce que je trouvais qu'il y avait, je sais pas, un regard assez unique sur l'image, justement. Oui. Comme tu le dis, c'est l'audace de la proposition aussi de sortir de ce, hors de cet accrochage conventionnel d'une photographie qui, d'être deux photographies qui s'enlignent sur le mur. Tout à fait. T'sais, on était vraiment dans un univers complet. Là, on n'était pas dans une série narrative ou linéaire. Là, il y avait vraiment des éléments partout. Puis c'est ça, en fait, qui crée aussi le charme de cette proposition-là. Oui. Donc, ouais, c'était vraiment mon coup de cœur côté photo, image, installation. Oui, puis en plus, qui a remporté le prix Videré Relève, hein, tout dernièrement. Donc, exactement, mais dans le cadre de cette proposition-là aussi. Donc, ouais, c'était vraiment gagnant. Ben, super, merci beaucoup. Merci. Et toi, Fanny, je pense que tu en as plus d'une à nous suggérer. Moi, j'en ai plus d'une, mais si j'en ai une vraiment qui a marqué mon univers 2015, c'est Corps Rebelle, au Musée de la Civilisation, qui est encore au musée jusqu'au 3 avril. Donc ça, c'est si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Courez-y, pour plusieurs raisons, parce que c'est à la fois une exposition et à la fois une installation, c'est une œuvre en elle-même. Moi, j'y ai été une fois, j'y suis retournée parce que il vous faut bien une journée, voire une demi-journée pour aborder ça. C'est une exposition qui démystifie la danse contemporaine, qui parle du corps. On a six thématiques autour du corps, donc on parle de corps urbain, le corps multi, le corps atypique, le corps naturel, et donc ces propositions autour du corps. Propose parfois des installations vidéo, on peut parler d'immersion, je pense au Sacre du Printemps qui vraiment nous met dans une proposition immersive vidéo mais aussi sonore. On a dans cette ce qui est proposé aussi dans cette pour cette exposition, c'est des ateliers de danse, mais il y a eu aussi des danseurs en résidence, donc qui travaillent in situ, des danseurs avec des chorégraphes. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de d'accéder à ce processus de création. Là, directement, le public est amené à mettre une note, lever la main, poser une question, voir des danseurs en train de chercher. Mm-hmm. On est en pleine recherche de création. Est-ce qu'ils cherchent pour un spectacle? Est-ce qu'ils cherchent un mouvement? Ils réfléchissent l'espace. Ils sont en interaction et nous, on est là. Ça peut être impressionnant, ça peut être intimidant, et en même temps, ce rapport dans les coulisses de la préparation d'un spectacle ou dans un processus de recherche, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a des compagnies de danse comme les compagnies Carpe Diem, Le Fils d'Adrien, Code Universel, Danse Cas par Cas. En janvier 2016, je vous invite à aller voir, il y aura Alan Leck qui sera en résidence. Donc ça, il fait partie de l'univers de danse contemporaine de Québec, qui est quand même un artiste majeur. Oui. Donc c'est voilà, pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que cette exposition on est à Québec, mais on est sur la scène internationale aussi. Donc on a des vidéos, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez la danse un peu plus classique, un peu plus douce, mais si vous aimez quelque chose qui vous rentre dedans et qui vient chercher, voilà, toutes les propositions sont là. C'est une exposition qui est magnifique. Donc je vous invite à aller la voir jusqu'au 3 avril. Oui, donc c'est vraiment ça la magie de cette exposition-là, parce que là, on peut aller la voir et en reste encore un peu de temps. Donc, allons-y à la voir, cette exposition-là. Donc, merci Fanny pour cette suggestion. Et toi, Andréane? Oui, ben moi, c'est aussi une exposition qui traite aussi du corps, mais c'est l'exposition Incarnation qui a eu lieu au Musée national des Beaux-Arts du Québec en février-mars l'an passé. Donc, c'est une exposition, en fait, qui faisait partie d'une programmation axée sur la photographie, donc la saison photo. Donc, c'était trois expositions bien différentes, mais ce que j'ai aimé, en fait, de cette exposition-là, c'est que, ben, premièrement, la photographie dans un musée d'art, on n'en voit pas tant que ça. Surtout pas un musée, Musée national des Beaux-Arts du Québec. À Québec, oui. C'est ça. C'est plus programmation type musée d'art contemporain. Pour la place justement qui a été faite à ce médium-là, je trouvais ça intéressant. Ensuite aussi, la photographie contemporaine, parfois un peu difficile dans les sujets qu'elle aborde justement. Et la thématique qui était aussi choisie pour la sélection des œuvres de la collection permanente, ben, c'était par rapport au corps. Et le corps, pas comme on est habitué de le voir en photo et pas comme on est habitué de le voir, ben, justement, dans la vie de tous les jours, les publicités. On n'est pas dans le retouché Photoshop de magazine. Là. Non, au contraire, c'est ça. C'est le corps comme ben, enveloppe unique hein, d'un individu, mais aussi comme une matière qui porte l'empreinte de nos expériences, de nos vies, de nos souffrances, de nos bonheurs, mais de tout ça. Puis je trouvais que c'était présenté justement de façon très solide avec des œuvres très très intéressantes, dont une œuvre moi que j'ai vue pour la première fois, ben que je connaissais mais en image hein, justement que j'avais jamais eu le plaisir d'apprécier en vrai. Puis c'est bon la photographie de Geneviève Cadieux, la fêlure au cœur des corps, qui est une œuvre majeure qui avait été primée à la Biennale de Venise en 1990. Donc c'est une œuvre très très importante de la collection du musée et j'étais contente qu'il lui laisse une place de choix dans cette exposition-là. Je trouvais que ça faisait un peu un résumé finalement de la thématique de l'exposition, là, puisqu'on y voit justement trois photos, une cicatrice de chaque côté. On n'est pas capable de voir très bien, de quel type de cicatrice il s'agit. Puis deux personnes qui s'embrassent au centre encore là. C'est un gros plan, donc on vient un peu créer une atmosphère à la fois comme... invitante et repoussante. Ambiguë. Vraiment ambiguë, très ambiguë. C'est vraiment une œuvre très, très forte. Super. C'est le fun parce que vraiment, l'équipe, on a de tout un peu. On a des expositions en musée, en centre d'artistes, en galerie. Et puis, moi aussi, j'ai une suggestion de Julien, hein, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui quand même nous a fait part de son coup de cœur de l'année. Lui, c'est plutôt un événement participatif, Musée au Mix, toujours au Musée national des beaux-arts du Québec. Il avait eu la chance d'y participer. Et dans le fond, c'était un événement sur 3 jours, une fin de semaine qui était ouverte à ceux et celles qui voulaient jouer, comme il le dit, avec les collections du musée et les technologies de pointe. Donc, un peu une façon de repenser le musée hein, aujourd'hui à notre ère technologique. Et pour lui, il dit que c'était une véritable fourmilière pendant 3 jours, une atmosphère de fébrilité où les participants et les visiteurs étaient vraiment actifs. Et aussi, il dit que c'était vraiment très différent comme ambiance, ce qui pouvait se passer à ce moment-là au musée. Donc, il était vraiment très heureux et il recommande aussi à tous ceux et celles qui soient œuvres dans le milieu des arts visuels, mais aussi en communication ou dans les nouvelles technologies, de prendre part à cet événement-là. On peut s'inscrire. Donc, espérons que le musée répétera l'an prochain cette expérience-là. Sinon, ben notre amie Suzy qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu un petit pépin, elle avait eu un petit coup de cœur pour Passion privée, qui est justement toujours au Musée national des beaux-arts du Québec. Eh bien, je me permets en une minute de vous parler très rapidement parce que je me suis permis de faire un top, si on peut dire, un top 4 de mes coups de cœur de l'année. Parce que, à vrai dire, en galerie, si on y va en galerie, Volcan de José Landry-Sirois chez Michel Guimond, j'en avais parlé à l'émission avec Julie Gagné au printemps. Et puis, vraiment, cette exposition-là, j'avais adoré par la grande maîtrise du médium du dessin, donc de José Landry-Sirois. Ça avait été vraiment un coup de cœur pour moi. Sinon, en centre d'artistes, ça a été un peu difficile, mais je dois dire que j'ai vraiment apprécié l'exposition de Samuel Breton, le géant de l'anglo-pulp, qui avait été présentée à la bande vidéo. Sinon, une œuvre d'art publique, je me suis permis d'aller là, c'est Jonathan Villeneuve, le Grand Bleu du Nord, à l'amphithéâtre, que je vous invite, chers auditeurs, hein, quand vous passerez par l'amphithéâtre, à aller voir et à expérimenter. On en avait d'ailleurs parlé avec Jonathan là, de cette œuvre-là, à l'émission il y a un mois ou deux. Et ben une petite note internationale, mais d'un artiste, d'un collectif à l'international, donc de Québec, qui a été là, la figure de proue, bien sûr, de la Biennale de Venise pour le Canada, BGL, donc avec son installation Canada Simo, que j'ai eu plaisir d'aller voir là-bas, mais qui était renversante et qui se démarquait dans cette Biennale-là, qui était, somme toute, assez lourde en sens, si on peut dire. Alors, voilà mon petit coup de cœur, ben mes petits coups de cœur de l'année 2015. On va aller faire une brève publicité et par la suite on va revenir avec des chroniques idées cadeaux et aussi suggestions d'activités à faire pendant les fêtes. 89.1. Nous sommes de retour pour cette deuxième moitié d'émission spéciale Temps des fêtes de l'aérospatiale. Et puis, Andréanne Gagnon et Sophie, vous étiez là pour... je vous avais donné un petit mandat d'aller faire un peu là idées cadeaux là, pour Noël, des suggestions d'idées cadeaux pour Noël, des fois qu'on aurait des retardataires ou enfin, je pense qu'on a peut-être tout un petit cadeau qui reste encore à acheter. Mais en même temps aussi, des fois à Noël, on reçoit des sous ou des certificats cadeaux. Ben, c'est le temps de les utiliser puis de s'offrir un cadeau à soi-même. Donc, je vous cède la parole pour que vous nous donniez un peu vos idées. Mais moi, en fait, tout simplement, j'ai pensé de donner l'art en cadeau avec un site qui s'appelle artbangbang.com. Donc, donner l'art en cadeau par le biais, en fait, du prêt d'art. Donc, si on y va tout simplement par la définition du prêt d'art, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir l'art aussi, de rendre nos espaces un peu plus uniques et aussi de faire participer la réussite de nos artistes. Donc, comment ça fonctionne, le site? Très bien fait. On peut soit faire des recherches selon des coups de cœur, selon notre ville, selon les artistes, selon la popularité aussi des artistes, des œuvres qui sont récentes ou non, tout simplement. Puis, on lance notre recherche et aussi selon le prix aussi de la location qu'on peut faire notre recherche. Pour la ville de Québec, il y a Philippe Soldé-Villa qu'on connaît bien, mm-hmm. qui est disponible sur ce site-là, qu'on avait vu justement dans le cadre de Canadian Bacon, puis qui était venu aussi dans le cadre de l'aérospatiale pour l'émission du 15 septembre. Oui. Puis une autre artiste de Québec, Audrey Demers-Roberge, qu'on avait vu à la Foire d'art actuel en 2014, puis lors de la Manif d'art 7, qui va vraiment essayer de morceler le paysage, de représenter le lieu et le territoire. Puis mon petit coup de cœur aussi pour ce site-là, puis un petit coup de pub en même temps pour deux artistes montréalaises qui ont parti un projet qui s'appelle Mille et une fesses et qui cherchent en fait à représenter, à photographier les fesses en fait des femmes, mais de manière vraiment très artistique, mm-hmm. puis qui lance une campagne de financement pour se promener autour du monde et essayer de représenter le plus de paires de fesses féminines à travers le monde. Donc voilà pour cette première suggestion cadeau-là. Pour ma deuxième suggestion, j'y vais avec un cahier à colorier. Parce que les livres à colorier sont très à la mode ces temps-ci, beaucoup en lien avec la sorte de méditation que ça peut apporter. Un livre à colorier qui a été fait par Philippe Braque, donc le chanteur et artiste qu'on connaît, mm-hmm. qui s'est fait une collaboration avec Carlos Romanos, qui est un illustrateur portugais, et Pierre-Philippe Rio, qui est son graphiste d'album, puis qui ont pensé à travers ce livre-là différentes situations absurdes, tant mettant des artistes québécois ou sinon des situations moins absurdes, mais qui laissent vraiment la participation du spectateur, en fait, donc de participer à l'aide, en fait, de nos crayons à colorier à l'histoire qui se déroule sur nos yeux. Puis c'est en vente sur le site ifmarch.com pour une vingtaine de dollars. Et finalement, ma troisième suggestion cadeau, puis après ça, je laisse la parole à ma collègue, pour des cartes de souhait. Donc, deux artistes, deux illustrateurs. La première, Valérie Boivin, qui est une illustratrice de la ville de Québec. Ces cartes sont en vente à la boutique du Musée national des beaux-arts du Québec. Puis c'est vraiment un univers très ludique là, que Valérie peut nous offrir avec ses cartes. Puis Massiminto, donc sur son site massiminto.com, qui est un artiste montréalais qui est basé à Montréal. Puis ses cartes sont vraiment en fait inspirées d'expressions parler, mais qui sont en fait rarement écrites, puis j'en avais pris une en note, là. La seule chose que j'aime du temps des fêtes, c'est les cadeaux et ta face de pète. Donc, c'est quand même, ça peut être un cadeau assez rigolo à envoyer, puis on peut les commander sur son site pour 5 $, la livraison est gratuite jusqu'au 1er janvier, ou encore disponible à la boutique du Musée des Beaux-Arts du Québec. Ah, ben super, alors, merci. Voilà. Sinon, Andréanne, toi, qu'est-ce que t'as déniché pour nous? Oui, ben en fait, j'ai des idées pour justement les retardataires, les gens qui seraient peut-être de dernière minute. J'ai pensé entre autres à des abonnements qui s'offrent assez bien en cadeau. Je pense ici à des revues spécialisées en art, mais aussi à des sorties culturelles auxquelles je pourrais revenir un petit peu plus tard. Mais si on commence par justement les revues spécialisées en art, il y en a beaucoup en fait qui sont disponibles autant en magasin qu'en ligne en fait. Puis pour les gens qui sont vraiment dernière minute, on peut acheter plusieurs de ces abonnements-là justement en ligne, soit en version papier ou même en version numérique. Je vous dirais que c'est vraiment très abordable. En fait, si on a envie de faire un cadeau à quelqu'un, la version numérique, c'est très, très peu coûteux. Puis en fait, on peut l'envoyer directement à la personne à qui on offre ce cadeau-là. Plusieurs revues, je pense entre autres à Ciel Variable, si on aime bien la photo. Si on est plutôt sculpture, il y a Espace Art Actuel qui est quand même disponible. On a également la revue HB. Pour ceux qui aiment bien le dessin, c'est vraiment de très belles revues. Bon, il y a également Vue des Arts, S, Inter et j'en passe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres pour toutes les disciplines possibles. Donc, on peut vraiment offrir un cadeau personnalisé. Bon, par exemple, à quelqu'un qui aimerait particulièrement les arts, on a beaucoup de choix. D'ailleurs, je porte votre attention, allez sur les sites web de ces revues-là, en fait, parce qu'il y a des offres en vigueur jusqu'à la fin décembre, donc des 15 à 20 de rabais sur des abonnements, ça vaut la peine. Oui, puis je pense aussi, la SODEP aussi offre une... J'ai vu passer ça aujourd'hui, là. Okay. T'achètes une revue, puis t'as un numéro gratuit et aussi en même temps, donc c'est quand même intéressant, là. Oui, puis j'ai vu cette offre-là chez différents périodiques, donc ça peut être intéressant justement offrir un abonnement, puis avoir peut-être... une revue en plus. Pour la lecture un peu plus consistante. Ben exactement. Sinon, en fait, je pensais à des idées sorties. Ça s'offre toujours quand même bien en cadeau. Donc, ben oui. Des billets, soit pour des spectacles, pour des performances. Il y a beaucoup d'œuvres culturelles à Québec, donc autant au niveau du théâtre, de la danse que des arts multi. Mais moi, j'aimerais attirer peut-être l'attention vers le mois multi, donc un festival qui va être lancé au mois de février prochain. Plusieurs spectacles ont été annoncés, donc 5 jusqu'à maintenant, pendant le prédévoilement qui a eu lieu le 1er décembre dernier. 5 spectacles ont été lancés. Moi, il y en a 3 qui ont particulièrement attiré mon attention. J'en parle rapidement. Il y a Kit Kuna, en fait, qui va donner des spectacles les 29 et 30 janvier prochain. Oui, ça, en prélude au mois multi. Là. Exactement. Donc, c'est le mois multi ne sera pas encore lancé. Si je ne me trompe pas, c'est un invité d'honneur. Donc, lui, Kit Kuna va présenter Le Voyage d'hiver, qui est en fait son dernier album. Et il est présenté dans le cadre ou en prélude, justement, au mois multi. Parce que ce spectacle-là est en quelque sorte un objet scénique, au sens où il y a beaucoup d'éléments scéniques qui vont être présentés. Donc, autant, bon, il va y avoir de la musique, de la danse, de l'instrument, justement, bien entendu, de la musique, les jeux de lumière, etc. Donc, c'est vraiment un objet scénique complet. Puis, je pense que c'est une très bonne idée, justement, pour en prélude à ce festival-là en art multi. Oui, on en avait jasé un petit peu avec Ariane Plante la semaine dernière. Donc, c'est vraiment super intéressant là, d'aller voir ça. Puis je pense que c'est les dernières fois où on va pouvoir voir à Québec ce spectacle-là, justement, aussi. Tout à fait. Puis, si je continue justement dans la lignée du mois multi, vous en avez peut-être en fait parlé récemment, mais il y a Mikhail Bielinski qui a beaucoup attiré mon attention. En fait, c'est l'artiste qui va ouvrir justement le festival, si je ne me trompe pas. Elle va être en spectacle les 3 et 4 février à la salle multi de Méduse. Et en fait, ce qu'elle nous propose, Mikhail Bielinski, c'est une artiste de Montréal qui œuvre dans le monde du théâtre et de la musique électronique. Et en fait, ce qu'elle nous présente, c'est un opéra immersif où justement il va y avoir un mélange de performances, vidéos, chants et quelque chose qui a attiré mon attention, c'est en fait la disposition, si on veut, de l'œuvre, de ce dispositif-là immersif, c'est que les spectateurs vont être au centre d'un écran qui va faire un 360 degrés autour d'eux. Donc les gens vont être vraiment, si on veut, dans l'écran de projection avec les sons chantés justement de cet artiste-là. Donc je pense que c'est vraiment à voir. Et dernier spectacle que j'avais envie de parler dans le cadre du mois multi, c'est Britadius et le Blind Cinema. Pardonnez-moi. En fait, ce qu'on propose, c'est ben en fait, on vous propose d'aller voir un film, hein, un cinéma, mais les yeux couverts, les yeux bandés. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est qu'il y a un enfant qui est derrière chaque spectateur et qui chuchote en fait ce qu'il voit à l'écran. C'est un film avec du son, bien entendu, mais il n'y a pas de dialogue. Donc là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, j'imagine, qui va se passer au niveau de l'imaginaire de l'enfant puis celui de l'adulte qui ne verra jamais ce film-là, mais qui va se le faire transmettre, si on veut, par cet enfant-là, par l'imaginaire de l'enfant. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose à voir absolument. Pour poser un autre regard sur les choses, sur l'image. Exactement. Puis, peut-être un dernier petit clin d'œil pour des événements qui vont avoir lieu en janvier. Il y a la Rotonde qui présente, en fait, un programme double. Encore une fois, la salle multi de Méduse. Donc, Folds et Exister encore. Donc, si jamais là vous avez envie de voir un spectacle de danse, ça a lieu justement en janvier. Ça s'offre bien en cadeau. Puis en plus, ben vous avez le droit à deux spectacles pour 20$. Donc, c'est vraiment pas cher. Merci beaucoup, les filles, pour ces superbes suggestions. En tout cas, je suis certaine que ça pourra inspirer certains de nos auditeurs. En tout cas, moi, ça m'inspire grandement. Donc, on va aller faire une petite pause musicale. Cette fois-ci, Simon Roy nous proposait une chanson que j'ai trouvée très à propos avec notre dernier sujet. Le titre de l'extrait s'intitule « The Day Before Boxing Day Eve ». Alors, nous sommes de retour pour ce dernier segment de l'aérospatial spécial Temps des fêtes. Je suis accompagnée maintenant de Andréanne Lesage et de Marie-Claire Tremblay qui sont là pour nous parler d'idées à faire, d'activités à faire pendant le temps des fêtes, activités à faire en famille, en amoureux ou autres. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Claire qui va nous parler un peu de ce qu'elle a déniché pour nous. Ben moi, je me disais, Audrey, tu sais, c'est vrai, dans le temps des fêtes, après avoir mangé, bu, joué à des sociétés et répété ça plusieurs fois, à un moment donné, on sait plus quoi faire avec la famille puis les amis. Et on se disait, en tant que personne bien impliquée dans le milieu des arts, ben pourquoi pas, tiens, aller au musée des beaux-arts avec la famille. Et je regardais les heures d'ouverture, ma foi, c'est très intéressant. C'est ouvert tout le temps des fêtes, sauf le 25 décembre et le 4 janvier. Donc, c'est quand même non négligeable. Toujours de 10h à 17h et le mercredi de 10h à 21h. Et là, ce qu'on peut voir, bien sûr, il y a les salles permanentes, les quatre figures de la modernité, les salles permanentes plutôt chronologiques. Et il y a également l'exposition temporaire en cours, Passion privée, le coup de cœur de Suzy. Allez voir, hein, peut-être, ça vaut la peine. Donc, c'est la collection privée de Pierre Lassonde, hein, en lien avec le nouveau pavillon aussi, Pierre Lassonde. Et également, le musée nous a concocté toute une gamme d'activités pour la famille pendant le temps des fêtes. Donc, ça s'appelle Noël au musée. Et je regardais ça, c'est quand même assez diversifié. Bien sûr, il y a un atelier de création. On sait que le musée aussi est spécialiste dans les ateliers de création qui sont toujours vraiment de grande qualité. Cette fois-ci, ce qu'on propose, ça commence le 26 janvier, en fait, cette activité-là. C'est la 26 décembre. Oui, pardon. Ben oui, ça serait mieux, effectivement, du 26 décembre au 3 janvier. C'est la création d'une boîte à surprises. Mm-hmm. Donc ça, c'est 4 ans et plus, et ça coûte seulement 4$. Donc quand même. Et c'est donc du 26 décembre au 3 janvier, il y en a vraiment souvent. 11h, 13h, 14h, 15h et 15h30. Alors, c'est pour réaliser, en fait, une boîte à surprises fantastique inspirée de l'univers de Pélan. Oui, donc, ça vient de l'exposition derrière la porte, j'imagine. Exactement, ça promet. Puis, parlant de derrière la porte, je suis allée faire un petit tour et je dois dire que j'ai trouvé cette exposition-là très intéressante. C'est une exposition pour les 2 à 6 ans, en fait. On sait que depuis quelque temps, le musée comme ça organise des expositions pour les plus jeunes. Souvent, il y avait une artiste qui concevait cette exposition-là. Là, on change. On s'inspire vraiment d'une œuvre d'art. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment une tapisserie qui a été dessinée par Alfred Pellan, réalisée par Irène Auger. Donc, c'est vraiment le fil conducteur. Alors, cette tapisserie-là est accrochée à la hauteur des tout-petits. On reconnaît vraiment l'univers de Pellan, tu sais, bon, un peu surréaliste, incongru, avec toutes sortes d'éléments fantaisistes. Puis là, on invite les enfants à remarquer certains éléments qui sont pointés. On pose des questions, hein, la maison, est-ce qu'elle s'envole ou est-ce qu'elle tombe? Donc, on suscite l'intérêt des enfants. Et là, une fois qu'ils ont tout bien vu ça, ils franchissent la petite porte, parce qu'il y a une petite porte, c'est très mignon. Et là, ils entrent dans le tableau. Donc, on retrouve, l'énorme bête poilue, les maisons qui volent, ça fait bizarre dit comme ça, mais les maisons qui volent avec toutes sortes de trucs qui sont agréables pour les yeux, qui peuvent toucher aussi, ils peuvent ouvrir les petites portes. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Puis, outre l'exposition, il y a des lectures de contes qui ont l'air assez animées. La Moufle, le 29 et le 30 décembre, et Alice au Pays des Merveilles, le 2 et le 3 janvier. Et si on quitte le musée et qu'on sort dehors, parce que il faut profiter aussi du grand air, peut-être, oui, pendant le temps des fêtes. Quelque chose gratuit, là. Quelque chose gratuit, c'est toutes les œuvres d'art public qu'il y a à Québec. Hein. La Ville de Québec a récemment fait un petit guide, en fait, qui fonctionne un peu comme un parcours, en fait, par quartier. Donc, c'est 144 œuvres d'art qui sont à découvrir. Donc, on peut choisir le secteur où on est. Il y a 7 secteurs exactement. Des très courts textes qui décrivent un peu chacune des œuvres, photos, parcours très libre et format intéressant qui se tient dans une poche, dans un sac à main, des choses comme ça. Donc, ce petit guide, on se le procure où? À sa bibliothèque de quartier. Mm-hmm. De la Ville de Québec, bien sûr, à son bureau d'arrondissement. Demandez-le. D'habitude, il est disponible. Et sinon, il y a également le répertoire en ligne ville.quebec.qc.ca/art-public. Et là, on trouve un lien vers le répertoire. Hein, l'œuvre d'art que vous croisez à pied depuis je sais pas combien de temps et vous ne savez pas qui l'a fait, c'est le moment vraiment de le découvrir en visitant le répertoire ou en se procurant le petit guide. Oui, une belle manière d'être un peu touriste dans sa propre ville aussi, partir à la recherche, on peut même proposer aux enfants une genre de chasse au trésor, en quelque sorte. Tout à fait, mais oui. On essaie de trouver ces œuvres-là, donc vraiment plein de choses à faire avec ce répertoire. Ce qui est le fun avec l'art public, hein, c'est que c'est pas comme dans le musée, on n'a pas de gardien qui nous surveille. Oui. Alors, on peut s'approcher très près des œuvres, puis même peut-être les toucher quand même. C'est des œuvres qui résistent aux intempéries, donc ça peut très bien résister aux petites mains aussi. Super. Merci beaucoup, Marie-Claire. Ça fait plaisir. Alors, Andréanne, on te cède la parole. Oui, ben je vais poursuivre avec en fait trois thématiques, les expositions à voir qui sont peut-être en dehors du Musée des Beaux-Arts, mais qui sont reliées aux arts aussi à Québec. Ensuite, les galeries d'art et quelques ateliers animation aussi. Tout ça de façon bien brève. De toute façon, il y a beaucoup d'expositions qui ont été déjà couvertes hein, à l'émission L'Aérospatiale. Je pense à la première, donc au Musée de la Civilisation. En ce moment, il y a Ligne de vie de l'art autochtone, donc d'Australie. Il y a aussi Cité Bidon qu'on a pu découvrir avec la chronique d'Annie la semaine dernière. Oui. Et il y a aussi une autre exposition que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. En fait, c'est d'un pôle à l'autre, c'est jusqu'au 3 janvier et c'est une exposition de photographie qui montre justement des expositions de Vincent Hilaire qui est allé au pôle. C'est un photographe mais aussi donc journaliste pour la presse. C'est bien intéressant justement de peut-être faire le tour de ces expositions-là tant qu'à se déplacer au musée. Au Musée de l'Amérique francophone, eh bien, on a l'exposition « Mutation, les métiers d'art au Québec depuis 1930 ». Donc ça, c'est une exposition qui s'intègre dans la thématique de l'année 2015, hein, qui était l'année des métiers d'art. Donc c'est aussi très intéressant, puisqu'on a un atelier en lien aussi avec cette exposition-là, qui est finalement, je vous dis ça dans un instant, mais c'est un atelier donc qui est gratuit avec votre entrée au musée, et ça s'appelle « S'inventer des décors ». C'est jusqu'au 17 janvier, ça dure environ 45 minutes et vous pouvez participer à une création collective de peinture sur bois. Donc, c'est toute la famille qui peut participer à ça. Aussi, donc, dans les expositions qui sont peut-être en dehors des musées, on a le Centre Materia qui présente Homopolis, une exposition de Stéphane Pont qui fait des sculptures en verre. Et on a aussi au Moulin des Jésuites, un lieu qu'on est peut-être moins habitué. Oui. Il y a une petite exposition thématique Village de Noël. Donc, c'est vraiment des passionnés de villages miniatures qui ont monté un village géant. Donc, on peut visiter jusqu'au 9 janvier. Et il y a toujours aussi, en même temps, l'exposition permanente Mission en Nouvelle-France où il y a des œuvres d'art plus anciennes qui peuvent être vu. Donc voilà pour ce qui est des galeries d'art. Ben vous voulez vous gâter après. Oui, vous ça. Avez reçu un peu d'argent donc dans votre bonne Noël. Ben il y a la plupart des galeries sont ouvertes. Ça vaut la peine d'aller sur leur site internet peut-être parce que c'est des horaires un peu spéciaux. Mais de toute façon la plupart des galeries sont aussi ouvertes sur rendez-vous. Vous pouvez consulter les sites internet tout ça pour voir. Mais donc c'est un bon moment pour peut-être prendre le temps hein, d'y aller, de voir les nouveautés aussi, puisque, bon, c'est souvent des expositions plus collectives durant le temps des fêtes. Oui, qui nous donne un bon aperçu de ce que des artistes que la galerie va représenter, notamment. Là. Tout à fait, c'est ça. Et pour terminer peut-être, donc juste vous mentionner le fait qu'il y a des endroits fermés hein, durant le temps des fêtes, dont deux qui présentent habituellement des belles expositions, mais pour jusqu'au mois de mars, la Villa Bagatelle et la Maison Amel Bruno seront fermées. C'est le cas aussi de quelques maisons du patrimoine, donc il faut bien s'informer avant de se déplacer. Mais voilà, ça fait à peu près le tour là, des activités que j'ai dénichées pour vous en lien avec les arts visuels, bien sûr. Parce qu'en lien avec l'histoire et tout ça, il y en a tout plein qui sont offertes à Québec. Bien, c'est super. Merci beaucoup, les filles, de nous avoir donné ces idées-là. Je suis sûre que ça va nous être fort utile pendant les fêtes. Là. Des fois qu'on digère un peu mal notre d'aide ou je ne sais pas trop. On se dit, on va aller prendre une marche. Bien, on va aller voir des œuvres d'art publiques ou bien sinon avec la famille, aller au musée ou dans les galeries ou les maisons comme celle des Jésuites aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces idées d'activité. Donc, nous, on y va vers un dernier extrait audio qui est, à vrai dire, cette fois-ci, Deck the Halls. Thank you. c'est déjà le temps de se laisser. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce spécial du temps des fêtes. Et je remercie mes collaboratrices et mon collaborateur qui n'est pas là aujourd'hui, Julien, à vrai dire, d'avoir été avec moi pour cette première moitié de saison. En tout cas, je pense qu'on a bien senti vos appréciations au cours de vos chroniques aussi. Et puis, on a très hâte de vous réentendre aussi pendant l'année 2016. Pour ma part, j'aimerais remercier également donc Simon Roy qui, à toutes les semaines, nous fait des sélections musicales toujours aussi intéressantes les unes que les autres. Il n'est pas souvent là, mais quand même, c'est le collaborateur de longue date de l'émission. Également, ma comparse de l'émission Gentiens à la France, que vous aurez le plaisir d'entendre co-animer avec moi dès le retour en janvier. On va revenir le 5 janvier et on va pouvoir ensemble donc vous parler à deux micros cette fois-ci d'art visuel à Québec. Je souligne la collaboration spéciale de notre ami Jacques Gignac à la mise en onde qui est toujours là. Merci beaucoup, beaucoup Jacques. Toute l'équipe te remercie grandement et très heureuse de t'avoir à chaque semaine avec nous. Merci beaucoup. Et puis, je vais céder, hein, on va le dire, c'est le temps de se quitter. Je cède le micro, bien sûr, à Pierre Blais. Restez à l'écoute pour sa dernière émission de l'année aussi de Situation critique. Et de la part de tous les collaborateurs de l'aérospatiale, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Ouais! Joyeuses fêtes! On se revoit en janvier, donc à partir du 5 janvier à 17h30. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'Oriental puis l'Occidental. J'ai aussi essayé le Paléo, le 5-2, le Californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. T'es musicien, chanteur, poète, slammeur, conteur, humoriste ou tu pratiques un art de la scène hybride et t'as envie de te faire connaître? Participe au concours Montre tes talents au sacrilège. Dès le 3 février, 15 participants performeront semaine après semaine les mercredis dans l'émission Jamais comme tout le monde. À gagner, une bourse de 500 $, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds au sacrilège. Inscriptions et détails sur ckrl.qc.ca. Date limite, 25 janvier. Ce concours est rendu possible grâce à CKRL, Le Bar Le Sacrilège et Boréal. Cinéma qui n'était que du cinéma qui n'était que du cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.